Vivacité, il est 11h. L'actualité, accueillons David Riffon. Bonjour David. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cette information consommation pour débuter. L'inflation a légèrement progressé au deuxième trimestre de cette année, plus 1,6% contre plus 1,5% au trimestre précédent, en raison notamment d'une hausse du prix de l'électricité, plus 40% sur base annuelle. Cette forte inflation de l'électricité résulte principalement du relèvement de la TVA de 6 à 21% depuis septembre 2015 dans le cadre du Tax Shift, mais aussi de l'augmentation des tarifs de réseaux de distribution. Pour le reste, les prix des carburants et du mazout de chauffage s'orientent plutôt à la baisse, respectivement moins 10 et moins 26% en raison de la chute du cours du pétrole. Le prix à la consommation du gaz naturel a également baissé de 15%. Je ne pense pas qu'il soit juste d'associer islam et violence, déclaration du pape François en clôture des Journées mondiales de la jeunesse hier soir à Cracovie en Pologne. Une déclaration à placer dans le contexte de l'assassinat d'un prêtre par deux terroristes la semaine dernière en France. Le pape refuse fermement l'amalgame entre islam et violence et en appelle à la tolérance. En France, justement, dans l'enquête concernant cet acte terroriste, deux nouvelles personnes ont été inculpées hier. Elles sont liées à l'un des auteurs. L'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines a été volontairement précipité à la mer. C'est ce qu'affirme un expert en accidents aériens, selon une information relayée par la BBC. Depuis mars 2014, la disparition de ce vol est entourée de mystères. Le Boeing 777 transportait 239 personnes. Il avait décollé de Kuala Lumpur et devait rejoindre Pékin, mais il a disparu en mer. Une vaste opération de recherche des débris de l'appareil, dirigée par l'Australie, est toujours en cours. La cellule officielle de recherche s'oriente désormais vers un crash volontairement provoqué. À 5 jours des JO, ils se sont envolés vers 10h de Zaventem, direction Rio. Une nouvelle délégation de sportifs belges est dans l'avion en ce moment. Les cyclistes, les frères Borlée ou encore le lanceur de disque Philippe Milanov. Et puis en cyclisme, c'est officiel, le champion du monde Peter Sagan roulera les 3 prochaines saisons pour l'équipe allemande Bora Hansgrohe, qui devrait intégrer le World Tour. Sagan, vainqueur de 3 étapes sur le dernier Tour de France. Maillot vert également, vainqueur aussi de Gent-Wevelgem et du Tour des Flandres en début de saison. RTBF Mobile Info, Adrien Demey, toujours le Ring 5 de Mons fermé. Effectivement, la raison c'est toujours ce camion qui a perdu son chargement de verre sur ce Ring 5 à hauteur de QM. La chaussée est donc bien toujours fermée à cet endroit et cela engendre pas mal d'embarras vers Jemap, des embarras en amont évidemment, des déviations mises en place d'une part pour reprendre le 19 via l'accès numéro 1 de Jemap ou alors via l'accès à le 19 via les routes locales de Mons. Pour le reste sur le 40, Bruxelles-Ostende, vous perdez pas mal de temps au niveau du chantier, énormément de temps même à cette heure-ci entre Affligem et Westrem, Saint-Denis-Comté, environ 1h10 perdu sur ce tronçon, des répercussions également sur la N9 parallèle, environ 45 minutes supplémentaires sur le tronçon Witteren-Melle et puis vers Bruxelles, c'est plus modéré mais ça ralentit tout de même entre Merelbeek et Witteren, comptez une vingtaine de minutes perdues sur cet axe. Et puis pour accéder à la frontière française, ça ralentit également sur certains axes. C'est le cas sur le 17 venant de Courtrai à partir d'Albet, comptez une vingtaine de minutes. Ça ralentit également sur le 19 venant de Mons à partir de Pomerol jusqu'à Anzy vers la France. Et puis sur le 411 vers le Grand-Duché, ça ralentit également suite à un chantier à hauteur de Stockhem, comptez être ralenti depuis Abbey-la-Neuve. Ça coince fortement également à cet endroit, plus 45 minutes environ entre Stockhem et Abbey en direction de Luxembourgville. Di, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Di. Di, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle matinée à l'écoute de Vivacité. Tout de suite un air de vacances, Stéphane Piebeuf. Et on a planté le parasol jusqu'à 13h. David Riffon qui reviendra tout à l'heure à midi. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piebeuf. Salut les juilletistes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les vacances continuent sur Vivacité tout l'été jusqu'au 22 août. Eh bien, on se met en vacances, notamment entre 11h et 13h, mais c'est le cas dans toutes les émissions. Vous l'avez sans doute remarqué avec Pierre et Aurore il y a quelques instants dans La Grande Évasion, et ça continuera avec La Vie du Bon Côté, qui est devenue L'Été du Bon Côté avec Émilie, qui viendra nous donner le programme d'ici quelques instants. Alors, on va bien s'amuser encore une fois avec les people en vacances. Nous appellerons Saint-André et également Alexandre Bouglione pour savoir si leurs vacances se déroulent bien, s'ils prennent des vacances, parce qu'il y en a qui ne partent pas du tout, c'est peut-être votre cas aussi, mais on se met les oreilles en vacances avec la météo des plages et des vacances aussi. Ce sera Caroline Gillet et puis des tubes de l'été. Ah, deux moments forts dans cette émission, deux pépites. Tout à l'heure, nous danserons la lambada. Ça va être chaud, hein, les rythmes chauds, et les chanteuses brésiliennes seront des nôtres. Et puis nous prendrons rendez-vous avec un certain Joe, hein, mais pas n'importe quel Joe. Dans quelques minutes, ce sera Joe B. Joba. Oui, il y aura les Gypsy Kings aussi. On en parle bien sûr juste après Amir, qui va ouvrir l'émission avec J'ai cherché. Et puis sachez qu'il y aura encore du beau cadeau avec un super défi bien sûr. Dans un instant, je vous expliquerai comment gagner une journée inoubliable en famille à Peridaisa. Un air de vacances sur Vivacité. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans Sans C'est ce titre-là qui a représenté la France au concours Eurovision de la chanson. C'était le 14 mai dernier. Et là maintenant, place au cadeau dans un air de vacances. C'est encore une fois un grand plaisir de vous offrir une journée inoubliable en famille, mais pas n'importe où. C'est à Peridaisa, direction Cambron, Castaux, Brugelette. Un pass familial pour deux adultes et deux enfants à gagner aujourd'hui dans un air de vacances avec 365.be. Alors, inutile de vous rappeler ce que c'est Peridaisa quand même. Si, y a un événement cet été, vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a les estivales. Ça, c'est pas mal puisque tous les vendredis et samedis de l'été, eh bien, le Jardin du Monde ouvre ses portes 4 heures de plus pour vous faire profiter de la beauté de ces jardins et du talent d'artistes venus des quatre coins de la planète jusqu'à la tombée de la nuit avec de la musique du monde qui amplifie cette ambiance particulière que vous connaissez bien si vous avez déjà visité ce parc Peridaisa qui est bien plus qu'un zoo. Hein. On est vraiment en vacances là-bas. L'occasion d'y retourner si vous y êtes déjà allé ou de découvrir ce parc si vous n'y avez jamais mis le petit orteil. C'est donc un pass familial. Prenez votre GSM, on va jouer par SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message avec notre jeu de plage. Alors encore une fois, ça va être difficile évidemment puisque le défi est le suivant: reconnaître un artiste avec une seule seconde d'une de ses chansons. Ah oui, il y a plus facile comme jeu. Donc là, on s'adresse encore une fois aux experts aujourd'hui. Donc on va vous passer une seconde d'un morceau de musique et vous allez devoir envoyer par SMS au 6003. Au 6003, vous allez m'envoyer le nom de l'artiste. On recherche le nom de l'artiste, vous pouvez envoyer le titre si vous voulez, mais c'est surtout le nom de l'artiste que nous recherchons aujourd'hui. Attention, il n'y a qu'une seconde, soyez très attentifs, nous recherchons cet artiste-là. Ah oui, c'est court une seconde, hein. On dit que le temps passe vite, mais là vous en avez la preuve. On va le remettre une fois. Avez-vous trouvé de quel artiste il s'agit? C'est pas évident. Ça se passe par SMS au 6003 si vous souhaitez partir en famille à Peridaisa pour une journée inoubliable. Bonne chance! Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable? Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vivacité et la 2 présente la nuit de feu au château des Lessines. Le 20 août, ne manquez pas le plus grand feu d'artifice de Belgique. Une heure de spectacle magistral fait d'artifice, d'opéra et de lumière. Entrée gratuite pour toute la famille. Pensez à réserver votre parking et votre pique-nique sur 070.be. Avec l'avenir, Proxima, Télépro et La Libre. Le festival de théâtre de Spa. 11 jours, 30 spectacles, 70 représentations. Des créations. Du théâtre pour enfants. Des spectacles en plein air. Des lectures, des rencontres. Du théâtre de rue, des accueils français. Le festival de théâtre de Spa au cœur de la ville. Du 5 au 15 août. 0800 24 140, festivaldespa.be. Avec La Libre Belgique, l'avenir, la 3 et vivacité. Cool, c'est les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir, rêvez Seat. Pensez Seat-CHU, garage Seat-CHU à Chesnay, au pied de la côte d'Hambourg. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat-CHU, le service en plus. Vous revenez des vacances? Vous partez en vacances? Envie d'acheter une caravane ou un motorhome? AJD Caravane et Motorhome à Neupré a pensé à vous. Découvrez les tout derniers modèles 2015 à prix fou. Et oui, c'est vous qui pouvez profiter de ces prix écrasés. Venez choisir votre plus beau modèle chez AJD Caravane et Motorhome. Attention, le stock est limité. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Plus d'infos sur ajd.be. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Et c'est l'heure de notre tout premier tube de l'été. Et aujourd'hui, c'est chaud, mais c'est même très très chaud. Écoutez, Et ça perd tout son effet. J'ai pensé qu'il y allait avoir un extrait des Gypsy Kings. C'est pas grave. Le titre, c'est Bamboleo des Gypsy Kings, inspiré d'un air traditionnel folk vénézuélien qui s'appelle Caballo Viejo de Simon Diaz. Un titre qui sort en 1987 et on le doit aux Français de Gypsy King, un collectif de musiciens originaires de Arles et de Montpellier. Pour l'anecdote, les Gypsy Kings, c'est le premier groupe gitan à devenir disque d'or aux États-Unis. Et on retrouve ce titre Bamboleo sur leur album éponyme de 1987, sur lequel figure aussi l'incontournable Joby Joba. On a choisi Bamboleo pour vous cet été. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Yo la prefiero. instead of cake or warm. But in this way, I'm a dream to die by light of day. Gonna hold up high, sky and say, oh, we are all made. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive. Adventure of a Lifetime sur Vivacité. Dans un instant, on va prendre la direction des plages de notre littoral. La météo des plages et de vos vacances, ce sera avec Caroline Gillet. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité présente. Le Delirium Tremens Band fête ses 25 ans. Samedi 6 août, dès 14h, les bandas français, hollandais et belges envahiront les rues de la vieille ville de Dahlem. 12 heures de musique non-stop sur le site mythique des bandas. Et concert de clôture par le Delirium Tremens à 2h du matin. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Connaissez-vous la boucherie? C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mougnie à Ouï, près de la Grand Place. Le commerce autrement, localisie.com. Localisie.com. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et cap sur le littoral avec Caroline Gillet. Quel temps le long des plages de la mer du Nord ce lundi? Bonjour Caroline. Bonjour Stéphane. Eh bien, on aura un temps partagé au littoral belge aujourd'hui avec une alternance entre éclaircies et nuages, une vingtaine de degrés sur les plages, un drapeau vert pour la baignade, excepté à Knokk et à Blankenberg où on aura un drapeau jaune plutôt. De toute façon, il faudra prendre son courage à deux mains pour aller se baigner puisque l'eau de la mer n'est qu'à 15 petits degrés. Alors Stéphane, est-ce qu'on risque le maillot standard ou est-ce que vous sortez la combinaison de surfeur? Je dirais peut-être la combinaison de surfeur pour aujourd'hui. Hein. Allez, soyez attentifs parce que Caroline vous dévoile la météo de vos vacances. Si vous souhaitez la connaître, eh bien n'hésitez pas à la demander par SMS au 3063 pour un demi-euro l'envoi de message ou via la page de l'émission par email, un air de vacances. Vous cliquez sur le logo de l'émission sur vivacité.be. Caroline, nous avons reçu un mail que je vous lis. Bonjour, je m'en vais cette nuit pour les Gorges du Verdon en Provence avec mon chéri Jérôme et notre petit loulou Cyril. On part deux semaines. Que dit notre cher météo? Merci beaucoup. Bisouille, signé Mélissa. Caroline, c'est à vous. Ah bien déjà, bisouille à vous aussi Mélissa, puisqu'on aura un temps idéal dans les Gorges du Vernon par exemple pour aller faire du canoë, ça pourrait vous rafraîchir. Pas beaucoup de changements prévus pour les 15 prochains jours. Du soleil et...

Partie peut-être des privilégiés qui ont été le voir au Francofolie de Spa. Michel Polnareff était aussi ce matin sur Vivacité avec la lettre à France. Adrien Demey, je ne sais pas s'il a des boucles d'or comme Michel Polnareff, mais en tous les cas, ses conseils valent de l'or. Direction la route, le point RTBF Mobile Info. Malheureusement, pas porteur de bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a pas mal d'encombrements sur certains axes. Sur le 411 entre Namur et Luxembourg, un chantier s'est installé à hauteur de Stockheim, mais cela provoque de gros embarras entre Abel-Hanoeuvre et Stockheim. 9 km de congestion, trafic et environ une heure perdue sur ce tronçon vers Luxembourgville. Toujours les conséquences également de cette perte de chargement de verre sur le Ring 5 de Mons. C'est à hauteur de QM que cela s'est produit. La chaussée est fermée. Le Ring 5 de Mons est fermé à cet endroit. Vers Jemap, c'est saturé en amont évidemment puisque la chaussée est fermée. Des déviations sont mises en place pour reprendre le 19, soit via l'accès Jemap numéro 1, soit via l'accès à le 19 à travers Mons via le réseau local. Pour le reste, sur l'autoroute de la mer, ça coince fortement également venant de Bruxelles vers Ostende. Sur le 40 entre Affligem et Westrem, au niveau du chantier, comptez 45 minutes environ perdues sur ce tronçon vers le littoral. Et puis sur la parallèle, la Nationale 9 également, vous perdez une quarantaine de minutes entre Witteren et Melle. C'est très conséquent évidemment. Dans ce secteur, pour rejoindre la frontière française, ça ralentit également sur le 17 venant de Courtrai, une trentaine de minutes perdues à partir de Marc. Et puis sur le 40 venant de Calais vers Yabec, ça ralentit également à l'approche sur le territoire français. Vous comptez une vingtaine de minutes à partir de Adinkerque jusqu'à la frontière. Il est sympa, Marc. Vous le connaissez. Je ne sais pas, je vous pose la question. Mais c'est le même, à mon avis. Ah, c'est le même. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et rendez-vous sur la page Vivacité RTBF, notre page Facebook. On a publié les deux tubes de l'été d'aujourd'hui. On a déjà écouté les Gypsy Kings avec Bomboléo. Et tout à l'heure, nous écouterons la Lambada de Kaoma. Et on a envie de savoir lequel des deux vous préférez. Alors, si vous aimez Bomboléo des Gypsy Kings, eh bien, vous faites un petit j'aime, mais avec le petit cœur. Donc, un j'adore. Et si par contre, votre préférence va pour la Lambada, eh bien, c'est simple. Vous changez d'émoticône et vous prenez le j'aime, le pouce qui se lève. Voilà. Alors, pour l'instant, on vient de publier ça à hein, Fred qui s'occupe des réseaux sociaux, donc lui il est plutôt Gypsy Kings. Par contre je regarde un petit peu, Micheline, Julie, Sylvia, Marie-Christine, Donald sont plutôt Lambada, Félix c'est plutôt les Gypsy Kings, et vous, bah, votre avis nous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook, vous tapez Vivacité RTBF. Et dans un instant nous appellerons Alexandre Bouglione. Le cirque Bouglione s'est installé à Mons jusqu'au 15 août. Et avant de l'appeler, on va écouter un des tubes incontestables de cet été. Voici Imani sur Viva. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my steps, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Adresse de facteur aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. des courbes manuscrites, comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraf, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux pas trop Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veut bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. La lettre, c'était Renan Luce. L'été du bon côté. Et ce sera tout à l'heure, dès 13h jusqu'à 15h, avec Émilie de Kegel. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui, j'ai fait de la peinture pour tout vous dire, et il y a des muscles dont j'ignorais l'existence qui se sont réveillés. C'est d'accord, très c'était plutôt Van Gogh, Picasso Ah, c'était plutôt un white man de machin, c'était tout blanc. Ah oui, oui, ça peut être de l'art, hein, vous savez. Mais c'est de l'art. Il y en a qui font ça, hein. Ils prennent un pot de peinture, ils trempent le pinceau. Un monochrome dedans. De. Voilà. C'est comment dans le film, les trois frères, un monochrome de White Man ou je sais plus quoi. Je sais pas. Et puis ils trempent le pinceau, ils chlac, et ils vendent ça 30 000 balles. Hein. Ah ouais, non, mais moi j'ai évité de faire les tâches. Hein. Moi j'ai fait ça bien. Ouais, bah c'est très bien. Et ça va, vous êtes vivante, tout va bien. Je suis vivante, il n'y a pas trop de dégâts, c'est parfait. Maintenant, je vous dis, il y a des muscles, il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent avec le corps et parfois on n'est pas content. Et ben aujourd'hui, dans l'été du bon côté, ça tombe bien. On va essayer de se réconcilier avec notre corps qui nous a été offert à la naissance et qui malheureusement parfois nous convient pas parce qu'il est trop petit, il est trop grand, il est trop gros, il est pas assez fin, il est pas assez musclé, on n'a pas suffisamment de cheveux, on en a trop, on les voudrait lisses alors qu'on les a bouclés. Vous avez un truc pour les cheveux, je prends. Hein. Ah, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va essayer aujourd'hui, on va tenter grâce à un petit cahier d'exercices à s'accepter tel qu'on est en fait. C'est le plus difficile parce que nous, on se voit d'une certaine manière. Oui. Qu'on n'aime pas la plupart du temps. Les autres nous voient différemment et ne voient pas les défauts que nous on voit. Enfin, vous savez, toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent nous énerver. Ouais. Les complexes, les gros soucis, on va essayer de faire en sorte de mieux vivre avec tout ça. Voilà, mieux vivre avec et donc finalement s'assurer, voilà. Et c'est pas, avoir confiance en soi. Ouais, c'est pas évident, avec la société dans laquelle on vit, on n'est pas aidé. Donc si vous aussi, hein, vous avez envie de nous parler de vos petits complexes, de vos gros défauts, des petites choses qui vous gênent, des choses que vous avez faites pour améliorer tout ça et votre quotidien, venez nous le dire via la page Facebook ou encore par SMS. Hein. Dès maintenant, c'est possible, au 3063 pour 50 centimes le message. On vous attend et on en parle à partir de 13h. Vous êtes plutôt Gypsy Kings ou Lambada, vous? Ah, oula. Ça dépend de l'heure, j'ai envie de dire. Ouais. Ça dépend du cocktail. Mais là, maintenant, aujourd'hui, à 11h44, Gypsy King. Les Gypsy Kings. Donc, Gypsy King, c'est le petit cœur. Hein. Je suis sur la page Facebook de Vivacité en même temps. Ouais. Comme Lulu aussi, Frédéric Solvel. Janine aussi, elle est comme vous, Félix. Et puis les autres, ils préfèrent la Lambada, que l'on écoutera tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, très c'est bien. La petite question qui ne sert absolument à rien, mais qu'on aime bien vous poser quand mais même oui, sur la page rigolo, Facebook. C'est l'été, c'est cool. Et n'hésitez pas à vous y rendre, hein, c'est Vivacité RTBF. Et à tout à l'heure pour l'été du bon côté. Mais vous venez un petit peu plus tôt parce que n'oubliez pas Burkina Faso. Oui, oui, les hits du Burkina Faso. Si vous voulez tout savoir du Burkina Faso, il y aura l'élocution d'Emily exactement tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Vivacité présente en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi sur le site du Grand Ornu pour une balade familiale dans le Borinage. De ce joyau, classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous filerons à travers les terris vers Colfontaine et l'écrin de verdure du château de Boussu. À l'arrivée, concert gratuit de Vianney. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain de 8 à 9 pour bien démarrer la journée. On fait connaissance avec vous ce matin. Sur Vivacité et sur la Une. En télé sur la Une. Devoir d'enquête spécial été. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Il n'est pas dangereux, il est super dangereux. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. You're moving so carefully, let's start living dangerously. C'était DNCE. Un air de vacances sur Vivacité. Et pour les bilingues, c'est DNCE. Hein, mais on doit dire DNCE. Bonjour Alexandre Bouglione. Bonjour. Comment voilà allez-vous? Bah, très bien, ça très bien. Vous êtes à Mons, au sein de votre cirque. Vous êtes là d'ailleurs jusqu'au 15 août. Hein, je suis sur votre site internet, voilà, bouglione.be, voilà, avec un nouveau spectacle, le spectacle Majestique. Un tout nouveau spectacle, oui. Tous les ans, on tient à présenter un tout nouveau spectacle, puisque bon, on a toujours les mêmes clients qui reviennent, non, il ne faut pas les décevoir. Ben, bien sûr, et puis c'est vrai que c'est un bon plan pendant l'été, quand les enfants sont en congé, d'aller avec les parents ou avec les grands-parents, voir un spectacle de cirque, et même pour les adultes, hein, on retombe en enfance très facilement, et puis il y a des spectacles et des numéros qui sont quand même assez incroyables. Ben, vous avez des très grands numéros. Cette année, il y a un numéro de patin-roulette extraordinaire. Vous avez un hydrodrôle à rola, trapéziste, contorsionniste, les animaux qu'on a le droit d'avoir bien sûr maintenant, vous avez les chameaux, lama, poney et les chiens, voilà. Tout dans la tradition du cirque, quoi, dans la grande tradition. Tiens, vous partez en vacances, vous, puisque bon, c'est vrai que moi, c'est un spectacle itinérant. Oui. Au mois de janvier, normalement. Oui. Et vous avez déjà choisi votre destination ? C'est toujours la même depuis maintenant 15 ans, parce que je me plais tellement là que je n'aime pas changer. Et moi, je pars en Thaïlande. Oui. Okay. Bon, déjà, la nature est magnifique, la nourriture est fantastique. Et puis, bon, comme j'aime toujours les animaux, il y a toujours un contact. Moi, je vais aux autres Siracha. Il y a des spectacles avec des fauves, avec des éléphants. Et voilà, j'ai même dressé des éléphants là-bas. Okay. Quel était votre meilleur souvenir de vacances ? Ah oui, carrément, dresser des éléphants. Oui, j'ai participé. Waouh ! Bon, et votre meilleur souvenir de vacances ? Peut-être lié à la Thaïlande ou pas hein ? Écoutez, j'ai été en vacances très tard. Mm-hmm. J'étais en vacances très tard parce que j'y pensais même pas. J'ai travaillé avec les fauves pendant 30 ans. Et vraiment, on est pris du matin au soir. Et j'y pensais pas du tout. Et la première fois que j'étais en vacances, c'était aux États-Unis. Mm-hmm. Et j'étais dans les cirques, bien sûr, en vacances. Ouais. Et là, j'ai rencontré le plus grand dompteur du monde, qui est décédé malheureusement maintenant, qui s'appelait Günther Gebels-Williams. Et là, c'était un grand souvenir parce que c'était une star quand même. Aux États-Unis, c'était une grande star. Et il m'a reçu vraiment, voilà quoi, c'est quelqu'un qui n'avait pas changé quoi. Et ça c'est un très grand souvenir quoi, voilà, c'est un très beau souvenir. C'est-à-dire il vous a reçu comme un prince, comme un roi, comme un dieu? Non, il m'a reçu simplement, comme on se retrouve au cirque, on a mangé ensemble le soir et tout, dans sa roulotte et tout. Ouais. Et Günther Williams aux États-Unis, faut bien dire que c'était une star, il faisait des émissions de télévision, de variété et tout. Ouais. C'était plus qu'un artiste de cirque quoi, hein. C'était vraiment... Ouais. Ça a été pour moi l'artiste du siècle d'ailleurs. Ah oui, carrément. Donc c'est vraiment une référence pour vous. Oui, dans le cirque, hein. C'est que j'ai travaillé avec des éléphants, des chevaux, des tigres, des panthères, des lions, tout. Et en plus, il est acrobate. Quelle est la météo idéale pour vos vacances ? Le crachin. Ah là, on sent le commerçant. Ah bah forcément. Oui, la pluie. Vous, à mon avis, vous allez être le seul à nous dire ça hein, cet été. Oui, non, mais moi je ne vends pas des glaces. Hein. Mais vous savez, bon, sous le chapiteau déjà premièrement, il ne fait pas chaud. Parce que les gens pensent que sous le chapiteau il fait chaud, pas du tout. Ok, bah, c'est bien de le savoir, c'est vrai. Et puis voilà quoi. Quel est votre apéro, votre cocktail favori ? Bah, apéro, moi je prends pas trop d'alcool, je suis un peu ringard, je prends un martini quand je vais au restaurant. Très bien. Votre plat préféré de l'été ? Bah alors moi je suis quelqu'un qui mange tout. Ah oui, vous êtes vraiment épicurien. Ouais. Je mange tout, alors bon, moi j'aime bien les grillades l'été, voilà. La glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou alors un autre vanille, goût ? Vanille. Dans quel endroit, parce que vous justement vous connaissez bien la Belgique, vous voyagez beaucoup, dans quel endroit vous sentez-vous le plus en vacances chez nous en Belgique ? Ah bah alors écoutez, moi c'est bizarre, ça, vous allez trouver ça très bizarre. Moi ma grand-mère est belge, hein, ma grand-mère est née à Ixelles. Hein, et moi vraiment j'adore l'avenue Louise. Ah bon ? Et vous êtes en vacances ? Moi je me promenais avenue Louise. C'est ça. Parce que quand je me promenais, l'endroit vraiment à Bruxelles c'est l'avenue Louise, Porte de Namur, avenue Louise. D'accord. Peut-être parce que bon c'est mon enfance, quoi, j'ai connu ça depuis tout jeune. Et c'est vraiment l'endroit que j'adore quoi. Eh ben, on notera l'avenue Louise vous concernant. On rappelle que vous êtes à Mons jusqu'au 15 août avec un super spectacle. Il y a des représentations tous les jours, comment ça s'organise ? Tous les jours sauf les lundis et jeudis. Donc vous êtes en congé aujourd'hui en fait. Voilà. Ah ben, profitez-en. Travaille pour vous. Voilà. Bon, eh ben, on viendra vous voir bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ce spectacle majestique donc jusqu'au 15 août. C'est le Cirque Bouglione, s'il vous plaît. Et c'est à Mons. Bah, c'est juste à l'entrée de Mons. Hein. Quand on sort du ring pour rentrer dans le centre de Mons, on ne peut pas vous louper. Vous êtes sur la droite. Ah non, on ne peut pas nous louper. Il y a deux chapiteaux. Ouais. Dont un qui est marqué très grand, Alexandre Bouglione. Parce que je tiens à dire que c'est le seul Cirque Bouglione. C'est ça. Alexandre Bouglione. Faites attention aux faussaires. Voilà. Ah bon, il y a des faussaires. Eh ben, dites donc. Bah, y a des gens, vous savez, qui servent de mon nom. Et tout ça, et bon voilà. Okay. C'est souvent des plaintes et tout. Bah, celui qui annonce, en tout cas, c'est vous, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est pas du toc. Voilà. Merci Alexandre, et puis bon congé et bon spectacle, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, merci. Au revoir. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. 13h, un air de vacances sur Vivacité. Restez avec nous, je vous rappelle qu'on vous offre une journée inoubliable pour deux adultes et deux enfants à Paradisa aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure, eh bien je vous expliquerai comment faire pour gagner dans quelques instants après l'info. Mais d'abord, nous allons parler conso avec Aurore Salsano. Vous partez peut-être bientôt en vacances en voiture, mais vous vous demandez s'il y a des choses particulières à savoir pour la conduite sur les autoroutes à l'étranger. Ça tombe bien, Aurore va nous dire, va nous donner des bonnes infos sur le sujet code de la route. En fait, je vais surtout vous conseiller d'aller sur un site internet et une application très utile mis au point par la Commission européenne. Ils reprennent les spécificités du code de la route propre à chaque pays européen. Les données sont réparties en 9 catégories: vitesse, ceinture, feu de signalisation, alcool, drogue, voie interdite, casque, téléphone portable et autres règles. Savez-vous par exemple qu'en Allemagne, les pneus hiver sont obligatoires en hiver, qu'en Finlande, on doit rouler avec des phares allumés 24 heures sur 24, et qu'en Suède, on peut sans problème utiliser son téléphone portable au volant? Alors en pratique, comment fait-on? Si vous voulez préparer vos vacances sans encombrer votre smartphone, optez pour le site internet. L'adresse est un peu compliquée, mais si vous tapez « code de la route » et « aller à l'étranger », le site européen apparaît tout en haut de la liste. Il suffit ensuite de cliquer sur le pays pour lequel vous souhaitez obtenir des infos et ensuite de parcourir les différentes rubriques. Si au contraire vous souhaitez avoir les informations à portée de main durant vos vacances, alors téléchargez l'application avant de partir. Vous pourrez alors la consulter sur place sans que cela ne vous fasse exploser la facture téléphone au retour. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes. Une fois l'application téléchargée, il sera très facile de connaître par exemple les limitations de vitesse sur autoroute pour l'Espagne. Au passage, la réponse est 120 km/h comme chez nous. Le petit plus de l'application, c'est qu'elle propose aussi des petits jeux pour faire passer le temps sur la route, comme des jeux de mémoire ou encore des quiz. Ça, c'est pour le code de la route. Si maintenant vous souhaitez savoir si vous devez payer les autoroutes ou par exemple appliquer l'une ou l'autre vignette de circulation, alors allez faire un tour sur le site touring.be. Il reprend les péages et vignettes de manière très précise. Il suffit de taper le mot-clé dans la case recherche. Là aussi, il existe une application, mais disponible uniquement sur l'Apple Store. Quoi qu'il en soit, bonne route et n'oubliez pas, les vacances commencent dès qu'on s'assied dans la voiture. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spent an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. l'été, c'est la Sio. Restez avec nous si vous souhaitez danser la lambada. Il y aura Kaoma dans les tubes de l'été et puis plein d'autres surprises. Vos entrées à Peridaisa. Et puis nous parlerons avec Saint-André qui prépare son nouvel album. La 2 en télé. À l'aube des Jeux Olympiques de Rio, la 2 revient sur l'incroyable parcours rempli de passion, de courage et de volonté de quatre athlètes belges qui n'ont reculé devant aucun sacrifice pour décrocher la qualification. Rendez-vous à Rio dès ce lundi soir sur la 2. Il est midi. Vivacité vous informe avec vous, David Riffon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour débuter cet avis de recherche un peu particulier, la Loterie Nationale tente de retrouver un gagnant du loto. Et pas un petit gagnant. Le vainqueur, qui s'ignore, a remporté la somme de 6 170 000 euros le 26 mars dernier. Mais depuis, plus de nouvelles, il ne s'est jamais présenté pour récupérer son gain. La Loterie lance donc un avis de recherche national dans la presse aujourd'hui. Le gagnant a jusqu'au 12 août pour donner signe de vie. Le ministre Willy Borsu évoque un jour historique pour les indépendants. À partir d'aujourd'hui, 1er août, les pensions minimales des indépendants sont égales à celles des salariés. Pour une carrière complète, toutefois, le montant atteint 1168 euros par mois. Ce rattrapage était réclamé depuis 15 ans par les organisations d'indépendants. Pour les carrières mixtes ou incomplètes, la pension des indépendants est toujours inférieure à celle des salariés. C'est une des conséquences des attentats. De plus en plus de policiers font appel à une assistance psychologique. Depuis le 22 mars, ils sont sans cesse plus nombreux à faire appel à la stress team de la police fédérale. On en parle plus en détail dans le journal de 13h. 6 jours après l'assassinat d'un prêtre dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, on apprend que 2 hommes ont été mis en examen et incarcérés hier. Ces 2 hommes sont liés à l'un des auteurs de l'assassinat terroriste. L'un des 2 est le cousin d'Abdelmalik Petitjean. Selon le parquet de Paris, il était au courant de l'attaque et de ses préparatifs. C'est une conséquence également de la menace terroriste et de l'état d'urgence. Si vous partez en vacances en France, vous en verrez très certainement sur les plages. Des militaires supplémentaires sont appelés en renfort pour surveiller certains lieux touristiques comme les plages ou encore les gares ou les aéroports, mais aussi les festivités en extérieur. Exemple, dans la région de Marseille, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez. Nous passons à 600 militaires donc qui vont prendre en compte des missions nouvelles en rondes et patrouilles très soutenues, très visibles. Ces missions nouvelles incluent en réalité l'ensemble des sites touristiques et des lieux de grande fréquentation. Le pourtour des plages, les ports, le gare, aéroport, le centre-ville de Marseille, mais aussi le centre-ville d'Arles, d'Aix-en-Provence. On déploiera aussi des militaires sur certains péages pour effectuer des contrôles. Donc ça, ce sont des missions permanentes qu'ils auront. Un centre commercial également important, se rappeler en compte, c'est le centre de plan de campagne, ça correspond à une demande qui a été effectuée par le sénateur maire. Et puis ponctuellement, les militaires viendront renforcer des dispositifs de sécurité sur les festivités. Des propos recueillis par nos confrères de Radio France. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est vendredi et ils se sont envolés ce matin direction Rio. Une nouvelle délégation de sportifs belges, le dernier grand contingent de Belges, a rejoint le Brésil, rejoint en ce moment le Brésil. Dans l'avion, les cyclistes, le lanceur de disque Philippe Milanov ou encore les frères Kevin et Jonathan Borlée. La fratrie est évidemment habituée aux grandes compétitions et au stress qui l'accompagne. Ce sera d'ailleurs leur 3e participation aux Jeux pour Kevin et Jonathan, même si les JO, évidemment, ça reste un peu à part. Ouais, je pense pour tout sportif, c'est déjà tous les 4 ans, participer, pouvoir se qualifier, y aller, représenter son pays, ça reste particulier. Pour moi, c'est 3e, donc on va profiter de l'expérience des 2 premiers et j'espère que ce sera une réussite. Oui, c'est sûr, c'est particulier, c'est tous les 4 ans, c'est tous les meilleurs sportifs de toutes les disciplines, ou presque, et voilà, c'est toujours spécial. On a toujours hâte d'aller dans ce village olympique et de commencer la compétition. Et, oui, il y a toujours ce petit stress. Et, il est important pour performer, mais il y en a toujours. Il y a toujours cette excitation. Les frères Borlée au micro de Christophe reculé. Puis un mot de tennis. Le dernier classement ATP, David Goffin recule de 2 places. Il est désormais 13e et dépassé par Gaël Monfils, qui l'a battu récemment au 3e tour à Toronto, ainsi que dépassé aussi par l'Espagnol David Ferrer. Côté féminin, Yelena Wickmeyer conserve la 36e place à la WTA. RTB Fonville Info, Adrien Demey, des bouchons sur la E411. Oui, en venant de Namur vers Luxembourg, en raison d'un chantier qui s'est installé, un chantier d'une journée entre Abbey et Stockhem. Vous perdez plus d'une heure, 1h20 environ perdu. C'est très très saturé. Donc dans ce secteur, 10 km de bouchons depuis Abbey jusqu'à Stockhem vers Luxembourgville. Ça reste fortement ralenti également pour ceux qui prennent la direction de la mer via le 40 Bruxelles-Ostende. Vous perdez une quarantaine de minutes, ça roule en accordéon, c'est ralenti depuis Affligem jusqu'à Melle, une vingtaine de kilomètres de trafic ralenti donc vers le littoral. Vers Bruxelles, c'est plus modéré, mais tout de même 4 kilomètres de ralentissement entre Merelbeek et Witteren. Vers la frontière française, vous perdez également pas mal de temps sur le 17 venant de Courtrai, une trentaine de minutes perdues à partir de Halbeek, et puis sur le 19 venant de Mons, une dizaine de minutes perdues depuis Pomerol jusqu'à la frontière à Anzy vers la France. Et puis une bonne nouvelle tout de même, la chaussée est à présent rouverte sur le Ring 5 de Mons. Ça concernait évidemment cette perte de chargement de verre dont on parlait depuis tout à l'heure. Chaussée donc rouverte à hauteur de QM. Ça s'est fluidifié dans ce secteur vers Jemap. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon temps de midi à l'écoute de Vivacité, la suite d'un air de vacances, Stéphane Piebeuf. Donc si je comprends bien, il y a quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui est en train de dire les fins du mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours, qui voilà, sans le savoir, et a dans sa poche ou dans un meuble chez lui un billet de loto qui vaut 6 170 000 euros. C'est terrible. On espère qu'il va se présenter pour lui quand même. Hein, pour lui, oui. 6 millions. Il faudra peut-être arrêter de chasser les Pokémon, hein, chassons le billet, quoi. Ça, c'est pas mal, ça, comme idée. À tout à l'heure, 13h, ce sera le journal sur Vivacité. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piebeuf. Entre Noël et jour de l'an, sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesse à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Il y a des joies, des peines, il y a des cœurs qui saignent. La chanson c'est la même, il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne, et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, j'ai mon cœur qui saigne, mais pour moi c'est idem. Tu es parti quand même dans le monde moderne. Sur les plages bondées en été, les familles sont recomposées. Il y a la femme qu'on a aimée et celui qui nous l'a. La chanson c'est la même, il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, il y a mon cœur qui saigne, mais pour moi c'est la même. Je t'ai aimé. Le monde moderne, c'était Calogero sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Cadeau, on vous emmène à Peridaisa pour une journée inoubliable en famille. Deux adultes, deux enfants. Vous allez pouvoir profiter de l'entièreté du parc pendant cette saison 2016 avec plein d'activités à Peridaisa. Vous ne verrez pas Baby Vanda, enfin vous le verrez mais par écran interposé. Je pense qu'on ne peut toujours pas le voir en vrai, mais on a vu qu'il grandit. Il a pris un petit peu de poids, etc. Vous allez pouvoir l'approcher de plus près en tous les cas, c'est sûr. Mais il n'y a pas que les pandas, il y a plein d'autres choses à faire et à voir à Peridaisa. Il y a les lémuriens par exemple, il y a le belvédère aux girafes qui est vraiment très impressionnant, les pandas roux aussi, le Big Five, les pandas géants aussi, on en parlait, et puis le village de Timor qui est très très bien. Moi mon petit coup de cœur, je vous avoue que c'est notamment le village, l'ambiance un petit peu orientale, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, je pense que c'est le village, ou la tour de Cambron, voilà la tour de Cambron. Ça j'aime bien. Et il y a aussi un truc où on rentre, c'est le Bouddha, et je ne tombe plus sur le nom. Enfin, c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Comme quoi, il faudra que j'y retourne aussi. Et vous aussi, vous y êtes peut-être déjà allé à Peridaisa, vous souhaitez y retourner. En plus, là, il y a les estivales avec de la musique du monde dans les jardins. Ça embellit encore plus l'ambiance. C'est déconcertant et on est vraiment en vacances là-bas à Peridaisa. Bon, si vous souhaitez gagner, prenez le GSM. Vous préparez le SMS au 6003, ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message, donc au 6003. Votre mission, si vous souhaitez gagner, c'est de retrouver un artiste avec une seconde d'une chanson de son répertoire. Et cet artiste, c'est lui, écoutez. C'est très court, évidemment. C'est très, très court. Alors, ce n'est pas Francis Cabrel, ce n'est pas Michel Polnareff, ce n'est pas Helmut Lotti, ce n'est pas Pierre Bachelet, ce n'est pas Jacques Brel, ce n'est pas Stromae. Vous avez envoyé Daniel Guichard. Céline Dion, nous dit Marie-France. Ce n'est pas Céline Dion. Ce n'est pas Madonna, ce n'est pas Zazie, ce n'est pas Joe Dassin, ce n'est pas Gilbert Montagnier, ce n'est pas Bruel. On réécoute encore une fois. C'est pas Michel Sardou, c'est pas Kali, Michel Polnareff, Lara Fabian, Pierre Bachelet, c'est pas Christine and the Queen, c'est pas Grégoire. Bref, c'est pas évident, une seconde pour trouver un artiste. Si vous avez la réponse, eh bien envoyez le nom de l'artiste, l'interprète, donc par SMS au 6003. Est-ce qu'on peut encore écouter une toute dernière fois, mais vraiment la dernière fois, puisqu'après on vous appelle, l'extrait. Voilà, c'est vrai que c'est une seconde. Si vous avez la bonne réponse, eh bien... amusez-vous, jouez avec nous, 6003, c'est pas évident, mais je vous souhaite bonne chance quand même. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'1 milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas, CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir, rêvez Seat. Pensez Seat-CHU. Garage Seat-CHU à Chesnay, au pied de la côte d'Hambourg. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat-CHU, le service en plus. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Un air de vacances sur Vivacité. La température monte dans un air de vacances après les Gypsy Kings et Bomboléo tout à l'heure. Voici Kaoma et la Lambada, d'anciens musiciens de Tourekunda au Sénégal. Et puis deux chanteuses brésiliennes aussi qui sont vraiment très, très sexy, faut le dire. Réunis par des producteurs français qui ramènent la rythmique du Brésil, ils publient en 1989 la Lambada et sont directement poursuivis pour avoir plagié l'air bolivien de flûte de pan intitulé Lorando Se Fue, qui a donné la ligne d'accordéon de la chanson. Cela n'empêchera pas le morceau d'être le tube de l'été en 1989. C'est collé serré, c'est la Lambada et c'est sur Vivacité. courage, c'est fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords. Ça ressemble quand même fort à Paris-Séchelles, hein, entre nous, ce titre-là. C'est un peu dans la même veine. En même temps, c'est Julien Doré. Et on attend avec impatience son retour avec un nouvel album. Lui aussi, on attend un nouvel album avec impatience. C'est Saint-André qui prépare d'ailleurs son nouvel album et qui travaille sur ses compos. Il sera là dans les People en vacances dans quelques instants sur Vivacité. D'ailleurs, il y a Delphine qui a laissé un message sur Facebook à ce sujet. Je vous le dirai tout à l'heure lorsqu'il sera avec nous par téléphone. En attendant, la météo des plages et des vacances qui est de retour avec vous, Caroline Gillet. Jean-Marie s'envole pour Porto Cervo sur la Costa Smeralda en Sardaigne. Ah, la Sardaigne, là aussi, il va faire beau à croire qu'il n'y a vraiment qu'en Belgique que le sort s'acharne. Non, ouais. Plus sérieusement, Jean-Marie, à Porto Cervo, le temps va varier entre beau et très beau. On est tout de même à la côte, donc le vent pourrait être sensible tout de même. Sinon, côté température, vous aurez entre 28 et 30 degrés, de quoi bien profiter du soleil. J'adore ce que vous dites, Caroline, quand vous dites ça va varier entre beau et très beau. Je retiens, c'est pas mal ça. Bon, Simon s'envole avec sa fiancée pour la Thaïlande et souhaiterait connaître le temps sur les plages de Phuket cette semaine. Ça sent le voyage de noces, Caroline. Oh oui, ça sent le voyage de noces. Alors Simon, j'espère qu'entre votre fiancé et vous, ça a été le coup de foudre, car la météo à Phuket risque bien de vous rappeler votre rencontre. On attend des orages mardi et mercredi malheureusement. Pour le reste de la semaine, plus de coups de foudre à l'horizon, mais un ciel assez nuageux, quelques averses aussi au programme. La pluie n'empêchera pas la chaleur puisqu'on aura entre 29 et 31 degrés. Un temps pas tip top, mais s'il s'agit bel et bien d'un voyage de noces, c'est pas un peu de pluie qui pourra gâcher ça. Ouais, je ne sais pas si ça existe, les omniums pour les mariages. voyage, on sait jamais. Bon, on en parlera un autre jour, bien sûr. N'hésitez pas à demander la météo des plages et de vos vacances par SMS au 3063 pour un numéro l'envoi de message ou alors gratuitement via vivacité.be. C'est notre site internet. Vous cliquez sur un air de vacances, il y a un petit formulaire de contact et vous nous demandez eh bien, la température, la météo du lieu de vos vacances si vous partez dans les prochains jours, bien sûr. Et si vous changiez d'air, pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Spirelli Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelli Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, Trois-Ponts et Verviers. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité, la une présente une princesse, une fée. Attention à la sorcière, elle va nous empêcher de retrouver le dragon. C'est magique le labyrinthe d'Urbui. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barbeau d'Urbui. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. S'il faut mourir demain, que ce soit une belle fin. S'il faut partir un jour, autant passer sans tour. S'il faut prier quelqu'un, que ce ne soit pas pour rien. Mon nom, mon nom. Avant qu'on nous enterre, il y a tant de choses à faire. Avant qu'on nous oublie, s'accorder un répit. Avant qu'il soit trop tard, attraper les retards aussi. Qui vivra verra, qui vivra saura, on meurt qu'une fois. À nous, à ceux qui est pris, qui n'est plus à prendre. À aujourd'hui, si le ciel peut t'attendre, à toi et moi. À nous, à ceux qui prennent le plaisir comme il vient et ne remettent jamais. Santé. C'était les gars de Robin des Bois sur Vivacité. Mpokora, Nico Liliou, il y avait Marc-Antoine aussi, à nous. Au fond, je n'ai qu'un seul rêve. C'est d'être avec toi sur la route des vacances. Et il est carrément avec nous pendant les vacances sur Vivacité. Quel bonheur de recevoir Saint-André. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci beaucoup. Alors où êtes-vous là pour le moment ? Bastia, chez moi en Corse. Ah, en Corse, bah, c'est magnifique la Corse. Hein. C'est le seul endroit du monde où il y a la mer, la montagne. Il y a un peu tout en fait. Hein. Tout ce qu'on peut rechercher pour une destination de vacances se trouve en Corse. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et plus les années passent et plus on réalise un peu la chance d'avoir grandi ici et puis de pouvoir y vivre aussi, donc c'est un vrai bonheur. Je suis tout près de l'eau, pour tout vous dire. Voilà. Ah bon, carrément, au bord de la mer, oui. Alors. Absolument, à la marine, oui. Ah bah vous êtes en train de nous faire rêver là, Saint-André. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui habite en Corse, est-ce que vous partez en vacances ou pas? C'est vrai que c'est ça a toujours été compliqué ce concept-là en fait de vacances, puisque quand on y vit, c'est ça qui paraît naturel. Mais bah oui, c'est un petit peu les vacances toute l'année si on veut. Mais bon, il faut quand même bosser. Hein. Bon, alors bah justement, parce qu'il faut bosser. Je dois dire qu'on attend avec impatience cet album sur lequel vous travaillez. Je vous lis un message qui est arrivé sur la page Facebook de Vivacité. Oui. Bonjour, une fidèle auditrice vient de me prévenir que Saint-André allait être en direct au téléphone. Quelle bonne idée. Très contente de l'entendre. Je suis très impatiente qu'il sorte enfin son nouvel album. Ça fait quelques mois qu'il m'a dit qu'il arrivait prochainement. Nous n'avons pas la même définition de ce mot, car il se fait attendre. Voilà. C'est vrai que la notion d'échelle... Elle s'appelle temps, Delphine, voilà. Elle s'appelle Delphine, très bien. Alors d'abord, toutes mes excuses à Delphine si l'album met un peu plus de temps que prévu. Il est vrai que j'y travaille depuis un certain temps, mais il arrive quasiment au bout. Mm-hmm. Les textes sont bouclés, les musiques aussi. C'est un album... Qui est un peu plus orienté soleil qu'ont pu l'être les précédents. Encore plus, parce qu'ils étaient déjà très ensoleillés, ouais. Les précédents. Ah ben, c'était pas fait exprès, on va dire. Ouais. Bah, dans la musicalité, c'est entraînant, c'est frais, c'est le genre de truc qu'on peut écouter en boucle pendant l'été. Bah, les choses de la vie m'ont emmené vers les Caraïbes il y a peu de temps. Mais en même temps, j'oublie un détail, vous habitez en Corse, oui. C'est normal. Mais c'est pas faux. Mais ceci dit, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres sonorités récemment, des choses qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, mm-hmm. Notamment voilà dans la zone Amérique du Sud, dans la zone Caraïbe, wow. Et des choses qui entraient en résonance avec ma personnalité, parce que je suis profondément latin, mm-hmm. Et même si j'ai vécu longtemps en Belgique, à Paris, tout ça. Pareil, vous connaissez bien Liège réalité. Aussi chez nous en Belgique, c'est vrai ça. Ah bah oui, évidemment, ouais. C'est une deuxième naissance pour donc moi. Vous savez ce que c'est quand on dit oufti. Oui, oufti. Oufti. Absolument, oui. Okay. Mais comment dire, oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qui résonnaient chez moi, l'envie de revenir à quelque chose d'un peu plus... viscéral, quoi. Et ce qu'il y avait en moi, c'était cette latinité quelque part, et tout en gardant un discours qui restera pop, évidemment. Ouais. Je crois que cet album, il est encore plus, nourri de mes origines et de ce que j'ai découvert. Alors, est-ce qu'il y a une date? Est-ce que vous pensez pouvoir nous dire, bah tiens, je pense que ça va plutôt être au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre? Non, je pense que l'album sortira en février-mars. Un premier single devrait arriver en octobre. Oui. Bon, ben, vivement le mois d'octobre. Novembre. Alors, pour tous les fans, parce qu'ils sont nombreux, hein, ils viennent même sur la page Facebook de Vivacité nous le dire. Quel était votre meilleur souvenir de vacances, Saint-André? Je pense que c'était chez moi et c'était du côté de l'île Rousse. Mm-hmm. Voilà, c'est un endroit merveilleux que j'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à découvrir. Un petit village sur la mer. Et alors les amoureux de la Corse, pour eux, c'est un peu une la palissade de dire que l'île Rousse est magnifique, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment à vivre. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ben, c'est comment dire, c'est plus qu'une carte postale en fait. Vous avez un marché un peu plus typique. Le village est quasiment sur la mer. Et lorsque j'y ai vécu, je me suis ressourcé comme jamais. Et il y a vraiment quelque chose, des couchers de soleil uniques. Et c'est probablement un des plus beaux endroits de Corse que j'ai pu, découvrir. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel ? Alors, pas du tout camping. Hein. Que les choses soient bien claires. D'accord. J'ai toutes les peines du monde avec le concept du camping. Maintenant, je trouve que les Airbnb et tout ça, c'est vachement bien. Ouais. Voilà, parce que comme alternative à l'hôtel, on va dire que rentrer dans la vie des gens, c'est toujours sympathique. Très bien. La météo idéale pour vos vacances ? Un petit 25 degrés, du soleil, mais c'est ni trop chaud ni trop froid. Un petit peu de vent, okay. Juste ce qu'il faut pour être bien, quoi. Ouais. Votre apéro ou votre cocktail favori ? Alors, ça dépend si on est bien habillé ou mal habillé. si on est bien habillé, ça va être un mojito chic, ça, ouais. Hein, vous voyez. Si on est en Bermuda. Si on a un certain. Si on est en Bermuda, ça va aller vers la mauresque, hein, c'est-à-dire ce pastis au sirop d'orge, hein, indispensable avant une partie. Le mauresque, c'est le bleu, hein, c'est ça ? Non, c'est pas le pastis bleu. Non, c'est sirop d'orge pastis. Voilà, sirop d'orge pastis, très bien. Quel est votre plat préféré en été ? Tomate mozzarella, quelque chose de très très simple. La glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum ? Ouh là là, je penche vraiment vers la fraise. Ouais. Très bien. J'ai jamais trop supporté les parfums chocolat. Tiens, vous qui connaissez bien la Belgique, dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances chez nous en Belgique ? Alors, je connais pas du tout l'aspect mer du Nord et tout ça. Hein. Mm-hmm. Donc, pour moi, l'aspect balnéaire en Belgique, en fait, il est plutôt du côté de Spa. Du côté d'Espagne. Oui, c'est ça. Il y a les thermes là-bas. Oui. Voilà, exactement. Oui, ça sent le gars qui est déjà passé par les Francos, ça. Hein. Un petit peu, mais ceci dit, j'ai fait d'autres coins. Hein, mais, bien sûr. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise en vacances du côté des Ardennes ou d'Espagne. Ok, super. Pour le coup, c'est pas mer, hein, on est bien d'accord. Oui. Non, on a bien compris. Mais en même temps, quand on habite en Corse et qu'on a la chance de voir la Méditerranée, je peux comprendre qu'on préfère la Méditerranée à la mer du Nord, hein, en soi. Je sais pas si un Corse prendrait l'avion pour venir en Belgique profiter de Blankenberg juste pour profiter de la mer. Enfin, ça me semble être logique comme raisonnement, hein, même si on n'a pas à se plaindre de notre littoral, hein, mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Bon, très bien, on vous souhaite donc plein de bonheur avec cet album que l'on attend avec impatience et bonnes vacances alors en Corse, puisque vous y êtes toute l'année. Hein. C'est vrai, mais merci beaucoup, mais je promets... Tiens. Juste revenir bientôt. Ok, juste un petit truc. On organise un concours ici. On offre des places pour un parc d'attractions qui s'appelle Peridaïsa. Et c'est assez difficile en fait aujourd'hui. C'est reconnaître un artiste en une seconde. Je vais juste vous passer l'extrait de la seconde et on va voir si vous, Saint-André, qui est musicien, allez reconnaître de quelle chanson il s'agit. Est-ce que vous connaissez ça ? C'est une seconde. Hein. Ça, pour le coup, c'est un minimum de seconde, hein, les gars. Hein. C'est allez, on va remettre on une peut fois. Pas en avoir deux. Allez, on remet une fois. Allez. Beaucoup trop difficile. Je m'incline. C'est difficile. Hein. Bon, la réponse, ce sera dans un instant. Même Saint-André ne trouve pas. Donc voilà, c'est pas un jeu évident. Merci beaucoup, Saint-André. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pas d'embouteillage sur les plages de Corse, mais on ne peut pas en dire autant de nos routes belges. Jean-Marc Strel, bonjour. Ouais, bonjour, effectivement, ça coince pour aller du côté d'Ostende, du côté du littoral tout court, car il y a un chantier, vous le savez, dans les deux sens, à hauteur de Herpemer. Et vers Ostende, ça coince entre Affligem et Mel sur 20 km. Vous perdez 40 minutes. Il y a aussi des répercussions sur la Nationale 9 entre Westrem et Mel sur 6 km. Vous perdez 45 minutes. Mais il y a une solution. Donc, c'est prendre le 429 vers Halle, vers Tournai, et puis le 403 en direction de Bruges. Comme ça, vous évitez les 20 km de bouchons. Dans l'autre sens, vers Bruxelles, ça coince aussi entre Meurelbeek et Wetteren sur 4 km. Des travaux aussi sur le 411 Namur-Luxembourg avec pas mal de soucis entre Abbey-la-Neuve et Stockheim. 11 km de file et vous perdez 1h25 en direction de Luxembourg. Donc patience, bien sûr. Et puis prudence, il y a un grand panneau, c'est un objet encombrant sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Fleurus, au beau milieu des deux bandes de circulation en direction de Mons. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci d'écouter Vivacité. Voici le chant des sirènes. Les frérots de la Vega sont dans votre radio de l'été. Enfants des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. De masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne me noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Une fois très sympa, le beau vélo de Ravel à Moresnet pour ceux qui étaient samedi avec Helmut Lotti. Il y avait un groupe génial aussi, un groupe aux sonorités mexicaines. Et je vous avoue que je tombe plus sur le nom. Je suis vraiment honteux parce qu'il était vraiment bien ce groupe. C'était Xamanec, voilà. Et donc on vous présentera l'étape, la prochaine étape dans quelques instants avec Adrien Jovenot. Et tout de suite, on va composer un numéro de téléphone de quelqu'un qui a été très très très audacieux, qui a identifié la chanson que nous recherchions. Voilà, on appelle chez vous au hasard, vous qui avez joué par SMS, afin de partir pour Peridaisa, un pass familial. Deux adultes, deux enfants, pour cette saison 2016. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous dérange pas trop? Non. Ici les vins du monde, c'est parce qu'on fait une promotion pour l'instant. On prolonge les soldes et on souhaite vous offrir une caisse de 6 vins. Ah non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah mais je vous promets, c'est génial. Hein. Non, mais merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Oui. Ne raccrochez pas, parce que j'ai une autre nouvelle pour vous. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en direct sur Vivacité. Oula, Stéphane, l'appareil, ça va bien? On est tellement habitués que... Ouais, et c'est là que moi, si j'étais vendeur de vin, si je voulais vraiment faire du chiffre, hein, vous savez, ce que je dirais, c'est si vous voulez passer commande, raccrochez. Je suis certain que ça fonctionnerait à merveille. Bon, et quel est votre prénom? Jacqueline. Jacqueline, alors vous pensez avoir identifié l'artiste en une seconde, c'est pas évident, hein, nos jeux pour l'instant. Vous pensez à qui, vous? À Johnny Hallyday. Bon, on va écouter. On va... Ouais? Vous pensez que c'était ça? Oui, je pense. Ouais, bah, vérification. Est-ce que c'était Johnny Hallyday? Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Eh ben, c'est gagné. C'est gentil, merci. Jacqueline, vous êtes dans quelle région? Dans la région de Walcourt. Ah, Walcourt, c'est... les lacs de l'Oder. Bah, c'est une belle région, ça. Pas besoin de partir en vacances non plus. Non, non. C'est vrai, vous partez pas cette année? Je ne pars pas, non. Eh ben si, vous allez partir à Paradise, moi je vous le dis. C'est bien ça. On je vous offre ça avec dernière. Beaucoup de plaisir. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est génial, ah oui, oui, c'est très beau. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné là-bas à Paradise? Un peu tout, parce que c'était la première fois, donc on avait les yeux ouverts partout. Et ouais. J'ai trouvé que c'était tellement beau, bien... Bon. Beau. Eh ben bravo. En tout cas, vous venez de gagner deux entrées pour les adultes et deux entrées pour les enfants. Donc un pass familial pour profiter du parc pleinement. C'est offert par Vivacité, bien sûr. Ne raccrochez pas, Jacqueline, on va prendre toutes vos coordonnées hors antenne. On vous dit bravo ainsi qu'à tous les autres qui avaient trouvé la bonne réponse. On se retrouvera demain avec un autre défi, d'accord? C'est gentil. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Du 5 au 21 août. Vibrez avec nous au rythme des Jeux. Tous les matins, nos envoyés spéciaux vous réveillent depuis Rio. Retrouvez l'essentiel de l'info sportive dans le 6-8 sur la Une, le 8-9 et nos journaux des sports. Et à tout moment, les performances de nos athlètes, les records et les médailles. Les JO de Rio 2016. C'est sur Vivacité. Bien manger, c'est déjà gagné. Avec Delhaize, partenaire officiel de l'équipe belge. La bijouterie Lennertz à Spa vous reçoit dans un monde de rêves. Un vaste choix en bijoux en or 18 carats et en argent, ainsi qu'en montres haut de gamme, telles que Pékinet et Armani. La bijouterie Lennertz effectue sur place vos réparations et transformations. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3dworldbelgium.be. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Jusqu'à 13h sur Vivacité. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, mais tout donner au jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou. Faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, renoncer au grand amour, danser sans arrêt. L'enfer, est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Les souliers rouges, c'était vivre ou ne pas vivre. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et comme on dit ça, c'était des pointures. Bon. Oui, on vient de passer le cap de la moitié des vacances scolaires déjà. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais c'est une réalité. Mais on vient aussi de passer celle des étapes du beau vélo de Ravel pour son 7e rendez-vous de l'été. C'est à Boussu que toute l'équipe vous attendra samedi pour entamer une balade de 32 km à travers la région. La journée débutera à 9h30 avec un brunch, de quoi prendre des forces pour enfourcher votre vélo dès 13h. Et au retour de la balade, vous n'allez surtout pas manquer le showcase gratuit de Vianney et de Mister Cover. Mais trêve de blabla, je laisse la place à Adrien Jovenot et à Cody pour vous en dire plus sur cette 7e étape du beau vélo de Ravel. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. C'est au mois d'août qu'on met les bouts. Cody, bonjour, vous allez partir avec nous cette semaine. Exactement, je pars avec vous et on va où? À Boussu. Boussu, j'adore Boussu. Vous savez où ça se trouve? Oui, bah oui, c'est du côté de Colfontaine, tout ça, non? Exactement, exactement, c'est dans le Borinage. C'est dans le Borinage. Oui, c'est un endroit magnifique. On va partir du Grand Ornu, un lieu emblématique de la révolution industrielle. On va débuter notre balade familiale de 32 km là à travers le Borinage. Ce joyau du Grand Ornu est classé au patrimoine mondial de l'humanité, figurez-vous. Il est situé le long de l'ex-ligne 98 que nous emprunterons à travers les terris vers le site du Pass à Frameries et l'écrin de verdure du parc du château de Boussu. Parce qu'on dit toujours le Borinage c'est gris, mais c'est faux, les terris ont verdi maintenant. Exactement, exactement. Et on va continuer la regardez verdir d'ailleurs, regardez. Vous voyez? Vous voyez comme ça verdit? C'est dingue, à vue d'œil. À vue d'œil. C'est terrible. On sera là avec Vianney. Qui sera là hein? Vianney, il demande toujours t'étais où? Mais lui, il sera là, c'est promis, Vianney. Et Mister Cover aussi pour mettre le feu au site du Grand Ornu. Ornu, j'ai dit, non, c'est Ornu. Hein? Ornu, Ornu. Ça rime avec Ornu, Boussu. Grand Ornu. Oui, Boussu. Boussu. Oui. Pas confondre avec le Boussu de Notre-Dame qui est. Et lui, qui est totalement différent, qui n'a rien à voir. Et on fera la halte ravitaillement oui. À Colfontaine, près de l'espace Magnum. Vous êtes déjà produit là-bas? Non, pas encore, mais il y a peut-être un projet. Vous faites sonner les cloches déjà? Oui, mais c'est le Boussu de Notre-Dame. Allez, on en reparle demain de cette étape, si vous voulez bien. Et rendez-vous en tout cas samedi 6 août dans le Borinage. Le Boussu de Notre-Dame, excellent. En attendant l'étape de samedi, n'hésitez pas à aller voir toutes les photos du beau vélo de Ravel. Elles sont déjà là sur vivacité.be. Vous y trouverez également toutes les infos sur les prochaines étapes et notamment celle du Boussu de Notre-Dame que Adrien et Cody viennent d'évoquer. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. En télé sur la une, il voulait un seul enfant, mais voilà que... Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. En effet, ça fait un peu désordre. Plus de 500 petits dons de sperme qui ont bien grandi et aimeraient savoir aujourd'hui qui est Fonzie. José Garcia dans une comédie haute en couleur ce lundi soir sur la une. Elle est pas belle la vie? C'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Bricoplanet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Salut, c'est Mister Cover. Nous sommes ravis de venir faire la fête avec vous ce samedi 6 août à Boussu lors du beau vélo de Ravel. À l'affiche, il y aura aussi Arona et Vianney. Nous vous attendons en pleine forme à samedi. Le Showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 6 août à Boussu Colfontaine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Et comme tous les jours à cette heure-ci, on prend la direction d'un autre pays, enfin de plusieurs autres pays, parce qu'on voyage beaucoup. Émilie de Kegel est déjà là. Oui. Elle va relever le défi dans un instant du Burkina Faso. On va voir si vous avez réussi votre mission, parce que quand même, c'était pas évident. Là, je vous propose la Pologne, ça vous va ? Oh oui ! Alors, troisième au tip-top polonais, c'est Justin Timberlake. Je vous avoue que je devrais peut-être porter des lunettes, mais je ne sais pas bien lire le titre qui est numéro 2. Ah, alors c'est Sylvia Skakt. J'ai jamais eu autant de Z dans un nom. Tamta Dziewczyna. Voilà, c'est ça. Ça c'est. Voilà. Ouais, attendez, le nom de famille, donc c'est Sylvia, hein, donc S-Y-L-W-I-A, et puis alors le nom de famille c'est G-R-Z-E-S-Z-C-Z-A-K. Imaginez un peu le nombre de Z. Scrabble, quoi. C'est top ça. Et hein. Dans le titre, ah oui, ça c'est 4000 points. Et le titre c'est Tamta, et puis D-Z-I-E-W-C-Z-Y-N-A. C'est le numéro de votre plaque d'immatriculation. Il n'y a pas assez de place sur les plaques en Belgique pour écrire tout ça. En plus, on peut les personnaliser. C'est marrant ça. Ouais. Et le numéro 1, vous le connaissez, Mélie, c'est Kungs. Fait la Pologne, ça c'était mon job, mais votre mission depuis vendredi, c'était de nous dire, ben tiens, qu'est-ce qui fonctionne bien cet été au Burkina Faso ? Oui, alors il faut savoir qu'au Burkina Faso, on parle beaucoup le français, et donc ce sont des artistes français à consonance hip-hop, rap. On démarre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop chez nous, il s'appelle MHD. Sortez les briquets ! C'est sympa ! Sortez les briquets ! Ça c'est le numéro 2. Et le numéro 1, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas super fan, donc je ne vais pas anticiper ses titres, je n'ai pas son album, je ne suis pas allée le voir en concert, mais peut-être que le jeune public qui nous écoute est totalement fan. Ouais. C'est un gars qu'on connaît bien, c'est lui. Ne mets pas de glaçons dans mon verre. C'est quoi ça ? C'est pas Maître Gims ? Si. C'est Maître Gims ? Avec un nouveau titre qui s'appelle 150. C'est vrai ? Voilà. Et c'est Ne mets pas des glaçons dans mon verre. C'est 150. Ah ouais, c'est incroyable. C'est le titre, c'est 150. Et c'était les briquets, voilà. Ou les lunettes, la chanson avant, c'est les briquets. Sortez les briquets. Ouais. Sortez les briquets. Et là maintenant, ne mets pas de glaçons dans mon verre. Voilà, voilà, voilà. C'est incroyable. Donc ça, ce sont les deux titres sur lesquels on danse cet été au Burkina Faso. Alors pour demain, je note. Ouais, ben moi j'avais envie. Vous avez le choix demain en fait. Ah. Soit on va à Hawaï ou à Hawaï. Ah ben on va faire les deux. Voilà. On va faire les deux. Promis, j'essaie de vous faire les donc, deux. Donc demain c'est soit Hawaï ou Hawaï. D'accord, c'est noté. Okay. Voilà, voilà. Et dans un instant on vous retrouve, mais on va écouter encore un peu de musique avant la météo bien sûr. Un titre très ensoleillé. Voici Anastasia et I'm Out of Love sur Vivacité. Là encore une fois très nombreux sur Vivacité, mais vous restez là parce que l'été du bon côté, ça va nous concerner tous, Émilie de Kegel. Oui, parce que nous allons parler de ces petits défauts, de ces gros complexes qui peuvent nous gâcher la vie. On va faire en sorte non pas de les gommer, mais de vivre avec, comme on dit chez nous. Rendez-vous après le journal de 13h, mais en attendant, on va mettre le nez dehors. Voici la météo sur Vivacité avec Caroline Gillet. La Chimée Dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Très belle journée à tous. Le voile nuageux commence à s'épaissir cet après-midi. Les averses devraient surtout être présentes sur le nord-est du pays. On n'exclut pas quelques gouttes également jusque dans le centre. On aura un ciel surtout changeant sur la plupart des régions. Cette nuit, une zone de pluie va aborder notre pays. Le ciel va nettement se couvrir. Les nuages nous donneront des pluies faibles et éparses dans un premier temps et puis des pluies plus abondantes en seconde partie de nuit. Le vent sera toujours faible. Les minima, quant à eux, iront de 11 à 15 degrés. Demain matin, on va rester dans une ambiance bien grise avec des averses fréquentes. Pas beaucoup de changements dans le courant de la journée. Un plafond bas et régulièrement de la pluie. Le vent deviendra sensible et puis sous tous ces nuages, on atteindra péniblement les 20 degrés. 16 degrés seulement en Ardennes. Tip-top. Du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Vivacité vous fait découvrir ses coups de cœur musicaux, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés de l'émission du samedi matin. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi, de 10h30 à 13h, découvrez le nouveau classement. Tip Top, 6 jours sur 7 sur Vivacité, 24 heures sur 24 sur vivacité.be. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Le 12, le 13, le 18, le 27, le 29 et le 33, si ces 6 chiffres vous parlent et que vous les cochez habituellement sur votre bulletin de loto, écoutez ce qui va suivre. La Loterie Nationale cherche un gagnant égaré, il a coché ces 6 chiffres. Premier jour de boulot pour ceux qui reprennent aujourd'hui après 2 ou 3 ou même 4 semaines de vacances. Venir partager ses souvenirs avec les collègues n'est pas toujours très réjouissant, ça s'appelle le blues post-vacances. Et ça se soigne. Une cérémonie d'hommage aujourd'hui en Italie, hommage aux victimes de la catastrophe du Bois du Cazier. C'était le 8 août 1956, il y a 60 ans. Un incendie dans le sous-sol du charbonnage provoquait la mort de 262 personnes, en grande majorité des Italiens. Le journal de 13h avec vous, Manu Delporte. Bonjour. Bonjour Émilie. Est-ce que, d'abord cette question, est-ce que vous avez joué au loto le 25?